Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon des grands dossiers de l'été car l'actualité européenne a été particulièrement riche avec des dossiers brûlants qui concernent à la fois la politique internationale, l'économie, la sécurité et l'environnement. Et commençons par un sujet majeur, le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. Où en est-on ? Alors, c'est effectivement un des dossiers les plus importants de l'été. L'Union européenne a annoncé un nouveau soutien massif de 23 milliards d'euros pour la reconstruction de l'Ukraine. Cet argent va servir à rebâtir les infrastructures essentielles, routes, écoles, hôpitaux, mais aussi de relancer l'économie ukrainienne. Ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne ne se limite pas à l'aide militaire. Elle veut vraiment se positionner comme le partenaire principal de la reconstruction dans la durée. Et ce plan envoie aussi un signal politique. L'Ukraine reste une priorité pour l'Europe, malgré les autres crises. Autre sujet brûlant de l'été, les relations commerciales avec les États-Unis. On a parlé d'un accord sur les droits de douane. Exactement. Après des mois de tensions, l'Union européenne et les États-Unis ont trouvé un accord historique pour éviter une guerre commerciale. Les Américains menaçaient de taxer fortement certains produits européens, notamment dans l'automobile. Et en réaction, l'Union européenne avait préparé 9,3 milliards d'euros de droits de douane de représailles. Finalement, les deux parties ont trouvé un compromis. Washington s'engage à limiter ses mesures protectionnistes et l'Europe obtient des garanties sur l'accès à certains marchés. C'est un vrai soulagement parce que cette escalade aurait pu coûter très cher aux entreprises européennes et aux consommateurs. Auparavant, les droits de douane s'élevaient à environ 4,8% et Donald Trump souhaitait les augmenter jusqu'à 30%. Ce sera finalement 15%. Et justement, en parlant de relations internationales, la Chine était aussi au cœur de l'actualité cet été. Oui, tout à fait. On a vu un double mouvement. D'un côté, l'Union européenne a salué les progrès de la Chine sur l'ouverture du marché des terres rares, ces matériaux stratégiques indispensables aux batteries, aux éoliennes ou encore aux voitures électriques. Mais Bruxelles insiste sur un rééquilibrage, car l'Europe reste très dépendante des importations chinoises. De l'autre côté, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a rappelé la ligne de l'Union européenne, pragmatisme et fermeté. Donc l'idée, c'est de coopérer avec Pékin sur le climat ou le commerce, tout en restant lucide sur les désaccords en matière de droits humains et de concurrence. Un autre sujet qui touche directement les citoyens, c'est la gestion des frontières. Qu'est-ce qui change à ce niveau-là ? C'est un vrai tournant. À partir de 2025, l'Union européenne met en place un système de contrôle automatisé aux frontières appelé ETIAS et EES. Alors concrètement, les voyageurs venant de pays hors de l'Union européenne devront s'enregistrer en ligne avant leur arrivée et passer par des bornes électroniques à l'entrée de l'espace Schengen. L'objectif est de mieux contrôler les flux, lutter contre l'immigration illégale et renforcer la sécurité tout en fluidifiant les passages. C'est une modernisation qui rappelle un peu le modèle américain de l'ESTA. On a aussi vu un geste fort cet été sur la scène diplomatique. Plusieurs pays européens ont appelé à reconnaître l'État de Palestine. Oui, 15 pays dont la France ont signé un appel pour que la communauté internationale reconnaisse officiellement la Palestine. Ce n'est pas une décision de l'Union européenne dans son ensemble, mais c'est un signal politique fort. L'idée de pousser vers une solution à deux États dans un contexte où les tensions restent très fortes au Proche-Orient. Quels pays européens avaient déjà reconnu la Palestine ? 10 pays de l'Union européenne ont déjà reconnu la Palestine, donc avant la France, Chypre, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Suède qui a été la première en 2014, puis l'Irlande, l'Espagne et la Slovénie en mai-juin 2024. Dernière actualité, les incendies en Europe, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne à l'épreuve du feu. Eh oui, durant le mois d'août, l'Europe a été marquée par des incendies particulièrement violents et étendus, et plusieurs pays ont activé le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Au cours des dernières semaines, plusieurs pays ont fait appel au mécanisme, donc, en raison d'incendies forestiers massifs. Ce sont le cas de la Grèce, de l'Espagne, de la Bulgarie, du Monténégro et de l'Albanie qui ont activé la procédure. Dites-nous en plus sur les moyens de l'Union européenne et la coordination centrale. Alors, le système RescEU, créé en 2019, est une réserve stratégique européenne, avec des avions, des hélicoptères, des équipes d'intervention financées par l'Union européenne. Et pour la saison 2025, l'Union européenne a positionné 22 avions et 4 hélicoptères, répartis dans 10 États membres, prêts à intervenir sur simple demande. En plus, 650 pompiers de 14 pays sont déjà prépositionnés dans les zones à risque, en France, en Grèce, au Portugal ou encore en Espagne. Et Adam, je suppose que le Centre Europe Direct fait aussi sa rentrée. Oui, on est toujours, comme chaque année, très présent dans les 4 départements lorrains. On organise toujours gratuitement des interventions dans les lycées, les collèges, etc., avec des activités ludiques sur l'Europe. On installe aussi des boîtes à questions, des stands, donc des boîtes à questions dans les lieux publics où les citoyens peuvent écrire leurs interrogations sur l'Europe. On leur répond ensuite directement et on transmet leurs préoccupations à la Commission européenne. En effet, rapide rappel de ce qu'est un Centre Europe Direct. Alors, pour rappel, un Centre Europe Direct, c'est un peu la porte d'entrée de l'Union européenne dans la région. On fait partie d'un réseau officiel de la Commission européenne avec plus de 400 centres dans toute l'Europe, dont une cinquantaine en France. Et notre mission est simple, c'est informer sur l'Europe, répondre aux questions, expliquer les politiques européennes et aussi recueillir les préoccupations pour les faire remonter à Bruxelles. En parlant de rentrée, la Commission, comme chaque année, fait aussi la sienne et ce sera le 10 septembre avec le discours sur l'état de l'Union. Oui, le sauteux, comme on peut l'appeler, State of the European Union, c'est le discours annuel donné par la présidente de la Commission devant le Parlement européen réuni en session plénière à Strasbourg. C'est à la fois un bilan et une feuille de route, le où la présidente y passe en revue l'année écoulée, expose les défis et annonce des initiatives concrètes que la Commission compte proposer. C'est un moment symbolique de la démocratie européenne, il lit bilan politique et agenda législatif. Donc ce sera le 10 septembre, le mercredi 10 septembre à 9h sur le site de la Commission, du Parlement européen et sans doute aussi sur les chaînes d'infos qui vont en parler. À suivre donc. C'était la chronique Europe On Air sur Radio Fadjet présentée par Adam et l'association surtout Citoyens Territoire Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À bientôt.